Tout de suite, on accueille l'équipe de la ménagerie en la présence de Simon et de son invité, puisqu'on attaque l'année 1989 pour les 30 ans et les 30 heures de direct. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Alors, la ménagerie, c'est une émission qui est symbolique hein, de la culture sur Fadjet, un peu comme Tiziri, qui est arrivé en 1992, si je dis pas de bêtises. Eh bien, la ménagerie, c'est plus récent, mais c'est vraiment l'expression des artistes du coin. C'est l'expression de la culture. Simon vous en parlera un petit peu mieux que moi. C'est à cette heure-ci, 7h de 13h, on va mettre en l'honneur l'année 1989. Ça faisait 4 ans que Fadjet existait. Et puis, on voulait vous présenter, Patrice Pribilski, qui est l'un des fondateurs de Fadjet. On a interviewé cet homme-là qui est responsable de beaucoup de choses dans la création de Fadjet. On vous fait écouter son témoignage. Bonjour Patrice Pribilski, vous avez été à Fadjet dans les débuts de cette belle aventure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était votre rôle au sein de la grande maison qui est Fadjet ? Alors tout d'abord, j'ai effectivement pendant 2 ans, j'ai été directeur des programmes. Donc à ce titre, mon rôle consistait à organiser et puis coordonner l'ensemble des émissions, de prévoir également les animateurs, de contacter des personnes pour faire ces émissions. Donc c'était un boulot passionnant et très intéressant. D'accord. Alors j'ai eu la chance de faire l'interview d'Yves Antoine qui a pris cette responsabilité là maintenant. Et alors on a pu comprendre un petit peu ce que c'était que ce métier-là. Mais est-ce que ça vous a apporté, vous, pour la suite dans votre avenir professionnel, ou est-ce que vous êtes dirigé vers une toute autre carrière ? Alors je ne suis pas du tout resté dans le métier de la radio, je suis dans le métier de l'éducation. Mais ce que ça m'a vraiment apporté, c'est l'expérience qu'avec de tout petits moyens, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'on n'avait pas grand-chose, on fonctionnait encore au tout début de la radio avec des cassettes, hein, il faut savoir, des cassettes, puis après quand même des CD, mais au tout début, donc on n'avait pas grand-chose, on avait juste une équipe de personnes qui étaient passionnées, qui avaient envie de faire avancer les choses, et le simple fait de travailler ensemble, ça, voilà, c'est ce que ça m'a permis, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est ensemble, on peut monter un projet, on peut arriver à faire des choses. D'accord, j'imagine bien que ça devait être assez passionnant de se lancer dans tous les débuts d'un projet associatif et d'une radio tout particulièrement. Alors, on comprend un petit peu quel était votre rôle, on a compris en quoi c'était intéressant pour vous. Est-ce que vous avez une anecdote particulière par rapport au début de Fadjet ? Alors oui, c'est pas une excellente anecdote, c'est juste pour raconter à quel point on était totalement dans au tout début de Fadjet, on n'avait pas des émissions qui couvraient l'ensemble de la journée. Alors on avait 1 ou 2 heures d'émission, et puis après on mettait un CD qui passait, on passait toutes les chansons. Et bon, il est arrivé que les CD ne changent pas et que ça soit en boucle pendant toute une nuit. Alors c'était pas, évidemment, c'est juste une petite anecdote qui raconte qu'on démarrait avec pas grand chose. Après les anecdotes, c'est plus des émissions qui m'ont marqué, hein. Je me souviens, je pense que je suis pas le seul à en parler, des murs ont des oreilles, de cette émission phare qui a fait dialoguer des détenus avec leurs familles, leurs amis. Ça, c'était des grands moments très très forts d'émotion et des moments dont on savait qu'ils étaient absolument suivis par un nombre considérable de gens. Vous qui étiez là au début de Fadjet, est-ce que vous aviez imaginé à un moment que cette aventure associative durerait 30 ans ? Alors en fait, oui et non. Non, parce qu'on se projetait pas aussi loin, bien entendu. On voulait faire vivre un projet un peu à l'année. Et en fait, non, parce que... Enfin, oui, ça m'étonne. Enfin, plutôt, ça ne m'étonne pas, parce que, quelque part, quand un projet s'allume comme ça, et puis qu'il y a plein de bénévoles passionnés qui prennent le relais... on ne sait pas jusqu'où ça peut conduire, et donc finalement ça ne m'étonne pas tant que ça. Et pour finir cette interview, est-ce que vous pourriez nous donner le mot qui représente le plus Fadjet pour vous ? C'est une radio qui donne à croire, c'est à croire qu'un avenir est possible, qu'on peut faire des choses ensemble, que tout est possible quand on s'y met ensemble. Merci beaucoup Patrice d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et ben, bonne fête à Fadjet pour ses 30 ans et bonne organisation en tout cas. C'est plus qu'une radio. C'était Patrice Pribilski, l'un des fondateurs de Fadjet. J'ai vraiment envie de vous faire découvrir un des jingles phares de l'époque. C'est énorme. Du ciel bleu, fréquence de vacances 94.2. Il y a toujours du soleil en FM, branché sur Fadjet. Bon, alors en 1989, hein, il y avait évidemment des jingles kitsch, mais il y avait aussi des émissions qui étaient phares à l'époque, comme l'émission Bonjour chez vous. On vous en a prévu un petit extrait d'une minute trente à vous faire découvrir. Et puis juste après, ce sera Madonna, Like a Prayer, puisque Madonna, eh bien, elle a cartonné cette année-là, en 1989, avec sa chanson. Donc on vous fait redécouvrir tout ça. Et juste après, évidemment, ce sera La Ménagerie, présentée par Simon. Tout de suite, Bonjour chez vous, ça date quand même d'il y a plus de 25 ans. Hein. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Fadjet, il est 17h et comme chaque mercredi à la même heure, on se retrouve pour notre émission Bonjour chez vous, cette émission qui permet à des groupes de jeunes tout simplement de venir s'exprimer en direct sur notre antenne pendant une heure, simplement pour découvrir eh bien, un peu ce qu'ils sont, ce qu'ils font, quels sont leurs projets, ce qu'ils ont envie de faire plus tard et puis plein de choses d'une manière un peu personnelle. Aujourd'hui aussi une émission tout à fait spéciale, parce que les jeunes qui sont dans ce studio, eh bien, on les connaît bien, Fadjet. D'habitude, ce sont des groupes de jeunes tout à fait extérieurs à la maison, et pour qui la radio est quelque chose, un monde un petit peu à part, quelque chose à découvrir. Parler dans un micro, on n'a pas trop l'habitude, une table de mixage, on ne connaît pas bien. Les jeunes qui sont aujourd'hui dans ce studio connaissent pas forcément bien le micro, mais en tout cas, la table de mixage de Fadjet n'a plus aucun secret pour eux, puisque ce sont les techniciens de la radio. Alors, ils ne sont pas tous là, malheureusement. Nous attendons et nous espérons que les autres vont les rejoindre au cours de cette émission. Les techniciens de la radio ici à Fadjet, on va déjà vous les présenter, vous les citer du moins. Ils s'appellent Christophe, ils s'appellent Kirk, ils s'appellent Stéphane, ils s'appellent Steph, ils s'appellent Sylvain. Et puis il y a une autre personne aussi qui viendra peut-être nous rejoindre au cours de cette émission, qui travaille aussi en contre-emploi solidarité, mais vous allez découvrir tout ça ici à Fadjet. Elle s'appelle Laurette, elle ne fait pas de la technique radio, mais elle fait du secrétariat. En tout cas, aujourd'hui, un bonjour chez vous spécial qui va leur permettre eh bien, de prendre la parole parce qu'ils ont des choses à dire, des paroles de jeunes et puis plein de projets, plein la tête et puis peut-être un travail qu'ils viennent de découvrir depuis quelques mois ici à la radio qui les passionne pour certains et puis pour d'autres, pas forcément. Madonna, Like a Prayer, sorti le 21 mars 1989. Et bien, on remonte le temps sur Fadjet à l'occasion des 30 ans de la radio. On revient justement sur l'année 1989, tout de suite dans la ménagerie. Et bonjour à tous, il est 13h13 sur Fadjet, c'est la ménagerie. Oui, d'habitude on est le mercredi à 18h, mais à l'occasion des 30 ans de Radio Fadjet, on est venu faire des heures supplémentaires. Aujourd'hui, on va revenir sur l'année 1989 en compagnie de mon invité Alban. Salut Alban. Salut Alban, salut moi-même, salut Simon, salut tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien, évidemment content d'être à Fadjet, la radio qui m'a fait grandir et qui m'a formé justement à mon métier. Alban, tu es DJ, tu es musicien, on va revenir un petit peu sur ce que tu fais tout le long de cette émission. Et aujourd'hui, tu seras aussi mon chroniqueur, puisque tu t'es intéressé à l'année 1989, année surtout marquée par la chute évidemment du mur de Berlin. C'était au mois de novembre en plus. Exactement. On verra ça donc tout à l'heure. Et puis, on fera aussi un petit tour musical de l'année 1989, une année plutôt prolifique, très pop, avec l'arrivée toute douce de l'électro, mais il y a eu des tubes, que ce soit dans le hip-hop, dans le rock, beaucoup de morceaux assez kitsch, hein. Je ne passerai pas évidemment les tubes français, rassurez-vous. On verra ça donc tout à l'heure. Je propose qu'on commence tout de suite cette émission en balançant un petit morceau de Simple Minds. Est-ce que tu vois de quel je veux parler, Simple Minds? Absolument pas, dis-moi. Un hommage à Nelson Mandela, dont évidemment le tube interplanétaire Mandela Bay. says Mandela on his way. There's been 25 years around this very day. From the one outside to the ones inside, we Simple Minds sur Fadjet. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Et oui, une ménagerie spéciale 30 ans de Radio Fadjet. On va écouter Simple Minds, Mandela Day, une chanson de soutien à Nelson Mandela, alors emprisonné donc en 1988. Elle a été composée spécialement pour le concert hommage des 70 ans de Nelson Mandela. En fait, elle date de 1988, hein, pour être plus exact. Elle est sortie dans le commerce en février 1989. On est toujours avec Alban qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait dans la vie. Aujourd'hui, il est DJ. Mais Alban, tu as commencé par le rock'n'roll, c'est bien ça ? C'est ça, ouais. En fait, comment ça m'est arrivé ? Je crois que c'était au collège. Je venais de me manger toute cette espèce de vague de punk rock à l'époque. C'était tout ce qui était Blink, Offspring et compagnie. Sum 41 aussi ? Sum 41 un peu moins, ça arrivait après je crois. Et notamment un groupe en particulier, Muse. Ah oui. Muse, Matthew Bellamy avec ses belles guitares et sa fougue d'antan. Et je me souviens au collège, je rêvais de prétendre à être un virtuose de la guitare comme lui. Je me souviens, j'avais saoulé mon père pour qu'il m'achète une Gibson SG à l'époque. Alors Gibson SG, c'était... La crème de la crème ? La crème de la crème, ouais, c'est des guitares qui chiffrent pas mal. Moi, si tu veux, du haut de mes 15 ans, j'avais strictement aucune idée d'eux, quoi. Du prix, de ce que ça représentait réellement. Finalement, il m'a acheté une guitare toute pourrave. ça a fait le job, hein, ça a fait le job. J'ai fait mes premières armes comme ça. Et ça, la musique, finalement, ça... J'aurais tendance à dire que ça a pris un niveau au-dessus dans ma vie. Période lycée. Ouais. Période lycée, si tu veux. Bon, je trifouillais ma guitare sans grande prétention avant ça. Et au lycée, je sais pas, je m'ennuyais probablement. J'avais envie de tout faire sauf mes devoirs. Et je traînais sur un site à l'époque. Alors, je sais pas si c'est encore toujours d'actualité. C'était toutnancy.com. Ah, je crois que ça existe encore. Ça existe encore. Ouais. Et j'étais tombé sur une annonce de gars qui recherchait un chanteur pour monter un groupe de métal là, à l'époque. Et je m'ennuyais, j'avais plus envie de faire de sport, plus envie d'envoyer chier tout le monde. Et finalement, j'ai répondu à cette annonce, j'ai tenté l'aventure et ça l'a fait. On a quand même maintenu le groupe. À l'époque, ça s'appelait comment ? Lady Brings Bad News. Ah, en plus, c'est long quand même. Les femmes sont porteuses de mauvaises nouvelles. On l'a tenu quoi ? Quelque chose comme 4 ans, 5 ans ? On avait réussi à participer au FML à l'époque. Enfin non, c'était un truc qui marchait plutôt pas mal, quoi. Festival de musique lycéenne. FML, Festival de musique lycéenne, exactement. Si tu veux, ouais, voilà, c'est quelque chose qui m'a accompagné une bonne partie de ma vie. Tu sais, c'est ces moments où t'es plein de doutes, ces moments où l'adolescence, quoi, finalement. L'artiste meurtri. Exactement. Et finalement, ouais, depuis toujours, je suis dedans. Et aujourd'hui, un tout autre registre, mais. Et oui, on verra comment tu es passé du métal à la house music. On écoutera d'ailleurs un de tes remixes tout à l'heure. On s'est aussi intéressé à l'année 1989 et une année toute particulière pour toi puisque c'est ton année de naissance en plus. Ouais. 14 octobre. C'était un hasard en plus, hein. c'était pas calculé. Ça tombait plutôt bien. Mais qu'est-il passé d'autre à part l'événement le plus important, c'est évidemment ta naissance. Forcément. Il y a eu la chute du mur de Berlin, mais pas que ça. Ouais, c'était une année assez marquante finalement. C'est une série de 4 chiffres, 1, 9, 8, 9, qui se retrouvent souvent accompagnés d'événements qui ont marqué l'histoire quand on y pense. Je pourrais vanter l'année 89 comme si j'avais déjà conscience des choses à l'époque, mais finalement sortant d'un sommeil de 9 mois, j'ai pas forcément pris le temps d'apprendre à écrire dans le ventre de ma mère pour noter mes premiers jours, si tu veux. En réalité, c'est même assez difficile de parler de l'année où je suis né. On prend surtout conscience des choses bien plus tard, et c'est en s'intéressant à autre chose qu'à sa petite vie, finalement, qu'on regarde un peu autour et qu'on se demande quand est-ce que tout ça est arrivé. Je me souviens notamment qu'à mes 4 ans, mon père m'avait offert cette espèce d'engin électronique emballé dans son packaging rétro-futuriste. Tu sais, c'était un peu le futur vu dans le passé, avec cette espèce de pochette digne de Tron, tu sais, où le sol était noir, constitué exclusivement de quadrillages néon bleu. Mais ouais, j'avais reçu la première version de la Game Boy, tu sais, cette espèce d'énorme brique grise. C'était un peu... J'essaie de faire le bruit de l'allumage, mais je ne sais pas bien le faire. Et ouais, c'était un peu un chamboulement à l'époque. C'était le premier vrai appareil électronique portable développé à des fins récréatives. Et, ouais. Et ça s'est perdu un petit peu. Enfin, ça a été remplacé par les smartphones aujourd'hui. Ouais. Il y a eu des percées. On va venir aussi sur les autres événements de 89 dans quelques instants. Année aussi très musicale. C'est peut-être pas un hasard si tu t'es mis à la musique aussi en naissant en 1989. Si je te dis Sarbacane, tu me dis... Sarbacane, non, t'as osé. J'ai osé, Sarbacane, parce que comment il s'appelle avec sa guitare? Oui, la cabane au fond du jardin, tout ça. Francis Cabrel, évidemment. Un des plus grands succès de la chanson française. C'est sorti en 1989 et je ne pouvais pas faire une émission sans passer ce morceau anthologique. J'ai presque Francis Cabrel, Sarbacane, sorti en 1989, tout comme l'album du même nom. C'est son 7e album studio. Déjà en 89, il avait déjà sorti 7 albums et c'est un des plus grands succès de la chanson française puisqu'il en a vendu 2 millions et 100 000 exemplaires en France, certifié disque de diamant. Il n'y a pas beaucoup d'artistes français qui peuvent se targuer de ça. Il avait gagné des victoires de la musique, notamment meilleur artiste, meilleur album et meilleur spectacle musical de l'année 89. Et cette chanson, Sarbacane, était dédiée à sa fille. Vous êtes toujours sur Fadjet à l'occasion des 30 ans. Petit retour dans le passé. Fadjet, 6h minuit. On parie qu'il y a quelque chose qui vous passionne. Et voilà, ça c'était un vieux jingle qui passait entre 95 et 2000 sur Fadjet. On est toujours avec Alban. On retrace, on remonte le temps avec l'année 1989, l'année où il est né. Il nous parlait de son passé de métalleux. Aujourd'hui, il fait de la house music. Alors dis-moi un petit peu, t'es passé par quelle phase ? Est-ce que t'as eu des phases hip-hop, des phases rock ? En gros, c'était quoi tes goûts musicaux après le métal ? Hip-hop très peu. Non, tu sais, il y a vraiment deux écoles, hein. Ceux qui sont rock ne sont pas hip-hop et ceux qui sont hip-hop ne sont pas rock. Les Run DMC, Against the Machine. Il y a eu des hybrides qui se sont faits, mais globalement, ça prenait pas. Si tu veux, c'était des petits pions dans toute cette espèce de grosse marmite qui était la musique à l'époque. Enfin, à l'époque, je te parle de ça comme si c'était il y a 30 ans, mais absolument pas. Mais globalement, ouais, on peut parler de Limp Bizkit ou tous ces gars qui ont fusionné finalement le rap et le rock. Mais non, pas tellement. Moi, j'étais très, très rock, très rock énervé. Et comment ça s'est passé ? Le switch, il s'est fait quand ? Il s'est fait il y a pas si longtemps, en fait, si tu veux, avec... Bon, on vit quand même une époque en 2015 où il est très facile de faire de la musique chez soi, d'avoir son propre studio, d'envoyer à la face du monde entier tes productions. Sans emmerder le voisin en plus. Avoir besoin de salle de répète. Tellement, tellement. Et finalement, on s'est retrouvé avec des tas de productions, des tas de sorties CD qui avaient toutes finalement la même saveur. Et dans cette espèce de gloubi, je sais pas c'est quoi l'expression, gloubi boulga. Gloubi boulga, ça c'est plus ma génération, ouais. Ça c'est l'île aux enfants, avec Casimir. J'y trouvais plus mon compte en fait, j'avais l'impression d'entendre toujours des gens inspirés de gens, mais finalement c'était toujours la même soupe, quoi. Et je me suis intéressé un peu à ce qui se faisait à côté. Et en l'occurrence, comment ça s'est fait ? C'était à Lyon à l'époque, des amis qui étaient très branchés... disco nouvelle génération, on appelle ça de la new disco. Ah, d'accord, tu m'apprends des choses. La disco de fait actuellement en fait. Et de là j'en ai dévié à la house, puis à la techno, puis à la drum and bass. Et finalement, c'est pour chaque style musical un univers bien particulier. Je m'y retrouve là-dedans. On remonte le temps de l'année 89. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette année ? Ouais, au-delà d'avoir été l'année où la Game Boy et la Mega Drive ont été créées, cette année on a réellement mangé des nouveautés qui sont devenues finalement de véritables classiques aujourd'hui. Je pourrais parler de l'arrivée de cette étrange famille jaune. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Tout droit venu d'un Springfield imaginé de toutes pièces par un certain Matt Groening. Tôt, les Simpsons, grave. Et il y avait ça, entre autres. Il y avait, je pourrais également vous parler de manière totalement désintéressée de l'arrivée des Feux de l'amour. mais ça, tu m'en veux pas, Simon. Question de bon goût, je le ferai pas. Non, tu ne critiques surtout pas les Feux de l'amour. Il y a ma grand-mère qui écoute. Voilà, on va continuer à remonter le temps avec l'année 1989 dans la ménagerie sur Fadjet, puisque c'est les 30 ans de Fadjet. J'ai dit, je voulais faire un petit mot aussi sur Fadjet, puisque c'est là où j'ai commencé la radio, où j'ai trouvé ma voix à Fadjet. Et en plus, ils m'ont fait confiance, puisque après quelques années, 4-5 années de bénévolat, j'ai intégré le conseil d'administration, puis j'ai été ensuite embauché, ce qui m'a permis de postuler ensuite à un autre poste dans une autre radio. Et je suis toujours là, quasiment 10 ans après la première fois où j'ai franchi les portes de Fadjet. Et je suis un peu ému aujourd'hui. Et en plus, 30 ans, j'ai 30 ans aussi, quoi, quelque part. Cette radio est née en même temps que moi. Sûrement un symbole. En 89, il s'est passé des choses côté musique, et je suis sûr que toi, tu étais un fan de The Cure. Ouais. Pas trop. Ouais. Ah, pas trop. Non, pas tellement. Moyennement. Ça me faisait peur, en fait. C'est vrai. Ouais. Et ils sortent en 89 un de leurs albums les plus noirs, et ils sortent notamment cette chanson qui est un grand classique, qui n'est pas si noire que ça, malgré le texte, Lullaby. Et il faut que je trouve le bon bouton, puisque voilà, ça ne marche pas. C'est pas celle-là du tout. Ça, c'était la Mano de Gras. Vous voyez bien qu'on est en direct sur Fadjet. C'est sans filet. Et tout de suite, The Cure, Lullaby. Mais toujours pas. Allez, on va y arriver. The Cure, Lullaby, issu du 8e album studio de The Cure. Et c'est bien puisqu'elle se relance, c'est magique. Vive le direct sur Fadjet à l'occasion des 30 ans de la radio. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Et donc toujours, oh là là, dis donc, ça part dans tous les sens avec ce cartoucheur. Bref, en direct toujours avec Alban. DJ, on va écouter un de tes morceaux tout à l'heure, mais on retrace avec toi un peu le temps de l'année 1989. Et c'est une année historique, notamment pour la fin de la guerre froide et puis évidemment la chute du mur de Berlin. Ouais, et les plus âgés vous en parleront sûrement mieux que moi. Mais la première Love Parade en fait de Berlin a eu lieu en 89. Ah ouais ? Ouais. Et Berlin, 89, je crois qu'ils ont aussi cassé un mur cette année-là. Il me semble, ouais. J'évoquais la chose. Ouais. Et pendant que David Hasselhoff, Looking for Freedom, nous balançait sur ce qui restait du mur à l'époque, le tout affublé de cet affreux cuir lumineux et de sa cravate synthétiseur. Je rêve de la retrouver, cette veste. Ah ouais, non mais... le bon goût des années 90. Et au même moment, en fait, les Américains nous envoyaient droit dans la face les plus grands artistes d'aujourd'hui. Hein. Dans la liste, on pourra citer notamment Nirvana, De La Soul, Lenny Kravitz ou encore Néné Cherry. Yes. Et les Beastie Boys. Et peut-être que c'est passé du coup pendant cette première Love Parade. Est-ce que ça te dit quelque chose, Technotronix ? Bien sûr. Est-ce que ça a peut-être inspiré tes goûts de DJ ? Pas tellement. C'est méga kitsch et pourtant ce morceau, je l'adore. Et j'ai appris aujourd'hui en préparant cette émission, je me disais qu'ils étaient américains ou allemands. En fait, non, ils sont belges. C'est sorti en 89, Pump Up the Jam. Stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Incroyable morceau, Pump Up the Jam de Technotronix, groupe belge sorti en 1989. Ce genre de groupe qui ne sort qu'un seul morceau de leur vie. Vous êtes sur Fadjet dans cette ménagerie spéciale 30 ans de Fadjet. Fadjet, depuis 1985, garantie sans pub. Et 85, c'est aussi mon année de naissance. Je suis donc très ému. Aujourd'hui, on est toujours avec Alban qui nous a parlé de ses heures sombres de la musique avec ses groupes de métal dont il a aujourd'hui extrêmement honte. compte. Non, j'en suis même pas sûr. Aujourd'hui, tu fais de l'électro, de la house music. Ouais. Dis-nous un petit peu comment tu travailles avec quel type de machine, comment ça se passe, comment ça se construit ce type de musique. C'est très simple. Hein. C'est de la musique. La musique électronique, en fait, elle peut se faire à partir de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je peux me contenter de taper des mains, faire tomber une fourchette sur un sol, l'enregistrer et m'en servir pour concocter des sons. C'est une façon de faire, hein. Mais moi, en l'occurrence, j'ai plutôt opté pour les schémas classiques, à savoir un logiciel de MAO, en fait, musique assistée par ordinateur, du nom d'Ableton. Je ne sais pas si ça te parle. Ça peut bien sûr, ça me parle. Ouais. Ça parle quand même. On va citer Traktor, histoire de ne pas avoir de problème avec le CSA. Ou Magic Studio, ce genre de choses. Ouais, Fruity Loop et compagnie. Quoi. C'est bon, finalement, c'est tous les mêmes logiciels avec des interfaces différentes. Et je me suis essayé, en fait. J'ai commencé un peu à bidouiller les machines parce que c'est quand même des sacrées usines à gaz, hein, finalement. Oui. J'ai essayé de faire sonner, deux, trois trucs. Bon, finalement, c'était toujours un peu... effet pétard mouillé, tu sais, ouais. T'attends à un truc et finalement non, c'est juste nul. Et en parallèle de ça, en fait, si tu veux, je faisais des mixtapes, moi, en fait, à la base. Ouais. Et c'est par le biais des mixtapes, en fait, qu'il y a des gens qui ont entendu parler de ce que je faisais et qui m'ont demandé de manière officielle de leur balancer des remixes, en fait, faits par mes soins. Et du coup, je me suis prêté au jeu et j'ai poussé le truc au summum et j'ai donné du mieux que j'ai pu et ça a donné en l'occurrence le premier track que j'ai fait il y a peu, que tu dois avoir en ta possession. Et bah oui, on va l'écouter tout à l'heure, un remix de Eva Fever, c'est ça? Non, c'est ça. Le nom du morceau. Die Bump, l'artiste, et Eva Fever pour le morceau, ouais. On écoutera ça tout à l'heure. Et puis aussi, un DJ, pour vivre, il a besoin de jouer dans les salles. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as fait, dans quelle salle tu as joué, quel bar? Ouais, j'ai fait mes premières armes à Lyon, en fait. C'était à l'époque, c'était des grosses soirées drum and bass assez réputées sur Lyon, et j'avais été invité. Alors je sais pas comment ils m'avaient trouvé, je sais pas comment ils ont entendu parler de moi, parce que moi je faisais vraiment ça dans mon coin, en slip dans ma chambre, tu vois. J'avais aucune idée de la visibilité que ça avait finalement sur internet. Et ouais, j'ai fait mes premières soirées drum and bass à Lyon, avec des artistes nationaux, et je crois même qu'il y avait un gars qui venait d'Angleterre à l'époque. Et je suis revenu à Nancy, j'ai trouvé une résidence dans ce bar qui est la machine à vapeur. Ouais. Ouais. Et par la suite, une résidence dans le club L'Appart, pour finalement aujourd'hui jouer au Mouton électrique. Yes. Petit jingle des années 80, justement. Qui pleuve, qui neige, qui vente, plus besoin que je t'invente. À pied, à cheval, en auto, Fadjet 94.2, c'est toi ma radio. Sacré jingle, et celui-ci passé justement en 89, puisque c'est l'année de laquelle on parle. Je parle très bien français aujourd'hui, moi. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé d'autre en 89? Ouais, bah à l'époque, tu sais, on n'allait pas tellement sur YouTube pour s'écouter le full album de Like a Prayer de Madonna. Ah non. Et à vrai dire, YouTube, ça faisait même pas partie des 100 000 noms de domaines que constituait l'Internet à l'époque. Avec l'accent, on appelle ça comment déjà? Le World Wide Web, c'est ça. Ouais. Comme le définissait Tim Berner en 89, justement, alors que ses copains étaient au même moment en train de bosser et de donner naissance au protocole HTTP, eh oui. Hein, ce fameux sigle qui précède chaque adresse Internet, ainsi que le langage HTML. Ah, sacré. Spécialiste de l'HTML, toi. Ouais. Merci Alban. Toujours en 1989, les Beastie Boys sortaient leur deuxième album. Est-ce que tu te rappelles comment il s'appelait? Ou c'est peut-être leur premier album, il ne faut pas que je dise de bêtises. C'était pas avec l'avion là. C'est leur deuxième album, c'est Paul's Boutique. Ah, ouais. Paul's Boutique, qui commence à sortir un tout petit peu du rock, mais ils ont du mal. Hein. Leur album est quand même très teinté de rock, avec des sonorités aussi disco et funk. On va écouter un morceau qui est vraiment top, puisqu'il s'inspire très largement d'un sample de Curtis Mayfield, Superfly. On écoute les Beastie Boys, Eggman. Mmh. Eggman. Ils sont complètement tarés. Ces New Yorkais qui pourtant ont enregistré cet album à Los Angeles. Donc morceau sorti le 25 juillet 1989. Et l'album Paul's Boutique avait connu un succès très très très mitigé par rapport à leur premier album et par rapport au suivant. Mais il a quand même été classé 156e sur la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps. Donc avec le classement des Rolling Stones, c'est-à-dire la qualité de cet album. On est toujours avec Alban, vous êtes sur Fadjet pour ces 30 heures de direct. Bon anniversaire Fadjet. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Et dans la ménagerie, on revient sur l'année 1989, dernier volet de ta saga, Alban. Ouais, et tiens Simon, en parlant de ça, si je te parle de Marty et Doc, ça t'évoque sûrement un truc. Évidemment, ouais. Marty. Exactement, ouais, Retour vers le futur, le 2 plus précisément, en 89, en fait, on a mangé de belles références cinématographiques. Parmi celles-ci, Retour vers le futur 2, Rain Man, Batman, Miss Daisy et son chauffeur, ou encore L'Arme Fatale 2. Exactement. Et justement, Miss Daisy et son chauffeur étaient accompagnés d'un morceau qu'on n'écoutera pas puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est le morceau de Chris Isaak, Wicked Game. Il fallait que je le cite puisqu'il est sorti en 1989 également. Merci Alban d'avoir participé à cette émission. Je te reprendrai comme chroniqueur d'ailleurs. Et en tout cas, on ira te voir donc au Mouton Électrique pour le moment. C'est ça. Et puis évidemment, n'hésitez pas à écouter ces morceaux sur le web, c'est Mixtape. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut trouver des infos sur toi? T'as un Facebook? J'ai un Facebook et un SoundCloud, si l'accent y est. Et ton nom de scène, c'est Bane comme le méchant de Batman. Exactement, Bane comme le méchant de Batman, France, tout attaché, Bane France. Ça marche. Merci beaucoup Alban. Merci à toi. Bonne continuation. Vous êtes toujours sur Fadjet dans cette ménagerie exceptionnelle spéciale 30 ans de Radio Fadjet. Encore bravo, bon anniversaire et continuez comme ça. Je rappelle que c'est une radio qui est portée évidemment par plus de 100 bénévoles et animateurs qui donnent de leur temps et de leur énergie et de leur culture pour faire vivre la liberté d'expression. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique, surtout en ces temps difficiles. On se quitte avec, justement, on en parlait tout à l'heure, un remix que tu as fait du groupe Die Bump, Alban, et le morceau, c'est le remix de Eva Fever. C'est tout de suite sur Fadjet.